Jeudi prochain. Pense. Non. Non? OK. Lundi? Lundi, je vais pas mal être là. T'as pas le choix. Mais de toute façon, mon plat favori est déjà choisi, donc ça sera pas des chansons de Noël. Malheureusement. Malheureusement. On va te retrouver donc toi et moi. Ben moi j'anime l'émission avec François-Olivier Marchand, hein, Assemblage requis, lundi au jeudi de 7h à 9h. Et toi, tu viens tous les lundis pour Take Me Out, ta chronique sur les sorties culturelles et ton plat favori sur tes coups de cœur artistiques. Il y en aura sûrement pas ben des Take Me Out parce que proche de Noël comme ça, les spectacles aussi seront plus rares. Ouais. Ça va aller plus en janvier. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme du Take Out. Quand tu vas te prendre une commande pour emporter, ça peut être juste une frite aussi, là. Ça peut. Peut-être juste des petites mecs croquettes. Des croquettes de poulet de marque quelconque dans un restaurant de restauration rapide quelconque. Quelconque. Je m'épuise moi-même en pensant à ça. Ah, je me déteste.